Bonjour tout le monde, nous sommes dans le chapitre 3 et aujourd'hui nous allons travailler sur les nombres. Écoutez les questions suivantes, écrivez-les et répondez-y. Listen to the following questions carefully, write them and answer them. Here is question number 1. Quel âge a Monsieur McCain? Quel âge à Monsieur McCain? Il a 72 ans. Il a 72 ans. Quel âge à Monsieur Obama? Quel âge à Monsieur Obama? Il a 47 ans. Il a 47 ans. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? I'll let you answer that one. 4. En quelle année êtes-vous né? En quelle année êtes-vous né? And I'll let you answer that one. You should start with je suis né en. 5. Here is a very indiscreet question. See if you can guess. Quel âge a le professeur de français, à votre avis, in your opinion? You should start with, à mon avis, elle a 30 ans, bien sûr. Quel âge a le professeur de français, à votre avis? Now, these are pretty easy questions. Now, brace for taking down 3 phone numbers that are going to come. And these are mysterious phone numbers. I'm going to ask them to write them down and guess whom you're calling. So, here we go. Voilà 3 numéros de téléphone mystérieux. Écrivez-les et devinez à qui vous téléphonez. 1. 202. 456, 14, 14. Je répète, 202, 456, 14, 14. Qu'est-ce que c'est? C'est le numéro, did you guess? No? C'est le numéro de la Maison Blanche à Washington. Numéro 2. 01 42 92 81 00. Je répète. 01 42 92 81 00. À qui téléphonez-vous? Who are you calling? C'est le numéro de la présidence de la République française, le palais de l'Élysée, la maison du président français. And here's my last mysterious number for today. See if you can guess that one. I think you have a better chance for that one. 310 660 33 31. Qui est-ce? C'est le numéro de Madame Berman. Téléphonez-moi si vous avez des problèmes ou si vous avez des questions. Bonne journée. Merci et à demain.